Chapitre 4. Égaré. Contrairement à mon attente, je dormis paisiblement. Je ne m'éveillai que lorsque le soleil était déjà levé et monté dans un ciel bleu sans nuages. L'eau de pluie s'était amassée en abondance dans les creux de la prairie. Je pouvais maintenant étancher ma soif et laisser ma jument s'abreuver. Mais alors se renouvelèrent les tiraillements de la faim. Je n'avais rien mangé depuis la veille au matin, et mon dernier déjeuner, très frugal, s'était réduit à une tasse de chocolat et 2 cuillerées de confiture. Un homme qui n'a pas l'habitude de faire de longs jeûnes a déjà, dès le premier jour d'abstinence forcée, une notion des tourments de la faim. Ces tourments augmentent le second jour, et le troisième. Ils ont atteint leur maximum d'intensité. Le quatrième et le cinquième jour, le corps s'affaiblit. Le cerveau commence à souffrir tandis que les maux de la faim proprement dite diminuent. Ces remarques ne s'appliquent naturellement qu'à ceux qui ne sont pas accoutumés à des jeûnes prolongés. J'ai connu des personnes qui pouvaient s'abstenir de toute nourriture pendant 6 jours et ressentaient les effets de cette privation beaucoup moins que d'autres qui n'avaient jeûné que 24 heures. À cette catégorie de jeûneurs appartiennent notamment les trappeurs et les chasseurs des prairies. À peine debout, ma grande préoccupation et mon soin, presque unique, furent de chercher à me procurer quelque aliment. Je suivais la plaine dans toutes les directions. Mon regard ne rencontra rien, aucun être vivant, aucun corps mort. Je n'avais sous mes yeux que ma jument, qui paissait tranquillement, et que je plaignais beaucoup moins que je ne l'enviais en voyant le bon repas qu'elle faisait. J'allais jusqu'au bord du gouffre et y laissais plonger mes yeux. Il y avait ici plus de 100 pieds de profondeur et à peu près la même largeur. Ses parois étaient moins raides car les rochers qui les constituaient s'étaient effondrés et lui avaient fait une espèce de rive en pente qu'un piéton pouvait descendre pour se hisser sur l'autre bord. Mais pour un cheval, ce sentier n'était pas praticable. J'avais emporté mon fusil dans l'espoir de découvrir quelque animal vivant. Mais, après avoir marché assez loin dans le sable, je renonçai à cette recherche. Il me fut impossible de tomber sur la moindre trace d'un quadrupède ou d'un oiseau, et je retournai tout déconcerté à l'endroit où je m'étais couché. J'arrachai le piquet auquel était attachée ma jument. Je la scellai et je délibérai sur ce que j'avais à faire. Retourner au village, où j'étais en garnison, c'était évident. Mais, ce point résolu, il restait un autre problème plus difficile et dont la solution m'avait déjà embarrassé la veille. Comment retrouver le chemin? Mon projet de suivre en rétrogradant ma propre piste n'était plus exécutable, car la pluie avait fait disparaître cette piste. Je me souvins alors que j'avais traversé une vaste étendue de terrain léger et sablonneux où les fers de ma jument n'avaient dû laisser qu'une très faible empreinte, naturellement effacée par la pluie persistante de la nuit. Je n'avais d'abord pas fait attention à cette circonstance, mais elle se présentait maintenant à mon esprit en me livrant à une véritable angoisse. Je ne pouvais plus en douter. Je m'étais égaré. Vous qui êtes assis dans votre chambre, cher auditeur, vous attachez probablement peu d'importance à ce qui vous paraît une contrariété insignifiante, qu'il vous semble facile de vaincre quand on a un bon cheval et de bonnes jambes. Il n'y a, croyez-vous, qu'à prendre, comme on dit, son courage à deux mains, à marcher devant soi en ligne droite, et l'on finit inévitablement par trouver une issue avec du temps et de la patience. C'est là évidemment votre théorie et votre opinion. Mais en pratique, la chose est moins aisée que vous ne l'imaginez. Il est incontestable qu'en suivant votre méthode et votre tracé d'une facilité élémentaire, on devra toujours aboutir quelque part. Mais ce quelque part pourrait fort bien n'être en définitive que le point même d'où l'on s'est mis en route. Croyez-vous que l'on puisse faire à cheval 10 000 en ligne droite dans une prairie mexicaine, dans la pampa, sans avoir aucun objet, aucun point de repère? Les meilleurs cavaliers se sont perdus en pareil cas. Il peut se passer bien des jours avant que l'on parvienne à sortir d'une prairie dont l'étendue dépasse 20 000, et il ne faut pas beaucoup de jours à un homme pour succomber. Du reste, l'esprit s'égare bientôt au milieu de cette immensité absolument dénudée, et cet égarement qui est accablant au plus haut degré, il n'y a que les vieux chasseurs des prairies qui en soient exempts. Les organes de la vue et de l'ouïe perdent vite leur acuité, leur ressort, leur force. L'intelligence elle-même s'alanguit et la volonté se détend. L'énergie des résolutions s'affaiblit rapidement. À chaque pas que l'on fait, on est en proie au doute. On ne sait si l'on suit le bon chemin, et n'ayant aucune raison décisive d'y persévérer, on est tenté à tout moment d'en prendre un autre. Croyez-moi, c'est une chose affreuse d'être égaré dans les pampas. Je pouvais m'en convaincre en ce moment. J'avais déjà en d'autres temps parcouru la grande pampa, mais c'était la première fois que j'avais le malheur d'y errer à l'aventure, et mon anxiété était d'autant plus vive que la faim épuisait presque toutes mes forces. Il y avait d'ailleurs dans les circonstances qui avaient déterminé cette triste situation quelque chose de singulier. La disparition de l'étalon, quoiqu'elle fût due à des causes naturelles, laissait une profonde et étrange impression dans mon esprit. J'avais beau m'en défendre, le fait que cet animal réputé mystérieux m'avait entraîné si loin pour m'échapper d'une manière si extraordinaire me paraissait se rattacher à quelque pouvoir qui tenait du prodige. Malgré moi, j'étais ramené à des idées superstitieuses. Mon esprit, en faiblissant, s'emplissait de conjectures fantastiques. Je luttais cependant contre cet envahissement du découragement et réussis à rester assez maître de moi pour pouvoir m'occuper de prendre des mesures sérieuses en vue de sauvegarder ma sécurité. Je compris qu'il ne me servirait de rien de rester où j'étais. Je savais que je pouvais tout au moins suivre pendant quelques heures le bon chemin. Le soleil me tiendrait lieu de guide sûr jusque vers midi. Puis j'aurais à faire halte et à attendre un peu, car sous cette latitude méridionale et à cette époque de l'année, le soleil est à midi si proche du zénith que le meilleur astronome ne saurait distinguer le nord du sud. Je calculais que je serais peut-être en état d'atteindre vers midi la forêt, tout en sachant que ma position ne s'en trouverait guère meilleure. La nudité de la plaine n'inspire en effet pas de plus grandes inquiétudes que les clairières des bois épais qui l'environnent. Dans la forêt, on peut marcher des jours et des jours sans s'éloigner de plus de 10 000 de son point de départ, et les fourrés, les taillis, sont aussi dépourvus de ressources d'alimentation que la plaine elle-même. Telles étaient mes pensées lorsqu'après avoir scellé et bridé ma jument, je promenais mes regards sur la pampa pour choisir la direction que je voulais prendre et me décider enfin à adopter une résolution.